Amis humains, bonjour. Voici dans le cadre de notre thème, histoire de la robotique. L'homme perdra-t-il sa place face aux humanoïdes? Les robots sont partout, des films, aux livres en passant par l'actualité. Des présentations de robots humanoïdes, robots à l'aspect humain, sont réalisées de temps en temps devant les médias. Toutefois, la communication réalisée autour est assez légère et ne rend pas réellement compte des changements qui pourraient impacter la société. Dans l'article La Révolution, quand la réalité rejoint la fiction, rédigé par 5e vitesse en 2010, différents robots humanoïdes furent présentés. Bien évidemment, ce sont les Japonais qui mènent la danse, ce sont des inventeurs hors pair dans le domaine de la technologie et des jeux vidéo. Actuellement, il existe des robots dont le rôle est d'aider les personnes âgées, les clients d'hôtels, d'effectuer des tâches difficiles ou encore de réparer les produits électroniques. Il y en a même qui travaillent dans une usine japonaise à la place de salariés. Durant cet été 2014, deux robots humanoïdes furent présentés au monde entier. Il est incroyable de voir l'évolution des robots qui deviennent progressivement de vrais humains. Cela peut inquiéter et rappeler les multiples films et séries à ce sujet tels que AI Intelligence Artificielle, 2001, ou Realman, 2012. D'ailleurs, dans cette série, ces créatures sont à l'image de l'humain parfait, beaux et forts. De parfaits serviteurs qui exécutent les moindres volontés de leurs propriétaires. Tâches ménagères, assistance aux personnes âgées, professeurs particuliers, partenaires sexuels, etc., jusqu'au jour où ils fassent entendre leur volonté d'indépendance. C'est alors la panique chez des humains qui ne s'attendaient pas à un tel tsunami. Au Japon, la sortie de nouveaux androïdes a fait sensation lors de leur présentation devant les médias. L'une s'appelle Kodomoroi et l'autre Tonaroi, elles sont toutes les deux capables de présenter le journal télévisé et d'interagir avec les personnes. L'enfant et l'adulte furent présentés au musée des sciences émergentes et de l'innovation de Tokyo. Physiquement, elles sont capables de bouger leurs bras, leurs sourcils et leurs lèvres. Lorsqu'elles se sont présentées, la plus jeune a parlé doucement du fait de son intimidation. Il semblerait en effet qu'elles soient sensibles à leur environnement. Du côté intellectuel, elles peuvent lire les nouvelles du monde dans plusieurs langues, poser des questions et s'incliner pour saluer les personnes. Comportement typiquement japonais, marque de respect. Leur créateur, Hiroshi Shiguro, est un spécialiste très connu dans son pays. Ce dernier aurait annoncé que comme les ordinateurs, les robots aussi vont devenir plus intelligents que les humains. Jusqu'à présent, les robots peuvent parler et agir comme un humain, qui sait peut-être bientôt auront-ils une conscience et des émotions. Pour l'instant, 16 humanoïdes sont seulement présentés à la planète. Toutefois, certains prédisent une sortie sur le marché de travail dans une dizaine d'années. D'ici 2020, une centaine de robots à vocation d'être des amis ou des assistants verront apparemment le jour. Cette volonté est née d'un regroupement de centaines de sociétés japonaises. Le Premier ministre pense d'ailleurs organiser des jeux pour les robots. La frontière entre science-fiction et réalité se réduit rapidement. Jusqu'où iront les fabricants? Jusqu'à quel point les humanoïdes feront partie de notre vie? Quelles seront les limites imposées? Seront-ils considérés comme des humains? Auront-ils les mêmes droits? Et au final, qu'est-ce être un humain? Plein de questions peuvent se poser et amener à la réflexion. Il est intéressant, dès à présent, de se les poser car la science-fiction envahit progressivement la réalité. Et vous, quel est votre avis? Êtes-vous favorable ou non? Percevez-vous des opportunités ou des menaces? Fin. Le robot nature d'esclave. Pas si sûr? À bientôt. Grosse bise numérique.